89.1. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatial, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. L'édition du mardi 6 octobre, Audrey Caro à l'animation et qui va passer cette prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, et comme toujours, on a une émission bien remplie et avec une belle variété aussi de chroniques et d'entrevues également. Et peut-être pour vous rappeler, bien sûr, de nous suivre via Facebook, hein, notre page Facebook. Vous y trouverez toutes les actualités en art visuel à Québec, mais également on vous invite à suivre notre page web www.l'aérospatialckrl.wordpress.com. Vous y trouverez le calendrier des événements, les émissions à venir, les émissions en balado-diffusion, ainsi que la sélection audio de Simon Roy. Mais également, c'est vrai, il y a des billets parfois qui sont publiés par nos collaborateurs. Donc, je vous invite à le consulter le plus que vous pouvez. Aujourd'hui, à l'émission, on a en première partie une chronique d'Andréane Lesage qui nous propose, oui, une chronique à saveur électorale. Hein, bien sûr, ça s'en vient à grands pas, ces élections. Donc, on va parler de culture dans la campagne électorale actuelle. Également, j'accueille en studio Héloïse Plamondon-Pagé et Christina Mossini pour nous parler du cabaret Ben Normal de Folie Culture qui aura lieu ce vendredi au Cercle. Également, en deuxième demi-heure, je reçois Camille Bernard-Gravel et Cynthia Dinan-Mitchell pour nous parler de leur expérience à Bangkok à l'occasion de l'échange Québec-Bangkok, donc premier volet de deux. Et c'est des artistes qui étaient en résidence, création, mais aussi exposition au Bangkok Art and Culture Center à Bangkok, en Thaïlande. Mais on commence l'émission avec notre revue de presse. Donc, on apprenait la semaine dernière que la ministre de la Culture et des Communications, et également ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Madame Hélène David, hein, un long titre, était heureuse d'annoncer donc qu'il y avait un accord de principe pour l'attribution d'une somme de 2 834 000 $ destinée au maintien des infrastructures et au renouvellement des équipements spécialisés à la coopérative Méduse. La vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec et responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire, Mme Julie Lemieux a également annoncé que la Ville accordait un financement de 500 000 $ à la coopérative. Pour citer Mme David, la coopérative Méduse est un pôle majeur de production et de diffusion des arts actuels dans la Ville de Québec. En regroupant la recherche expérimentale, la création, la formation et la présentation d'activités artistiques par des créateurs reconnus et de nouveaux venus, elle joue un rôle structurant pour le développement de la culture au Québec. Et bien sûr, son gouvernement était bien fier de contribuer concrètement à l'amélioration des conditions et des pratiques des créateurs, tout en accroissant l'accessibilité à des équipements bonifiés. Il faut rappeler que des altérations majeures au complexe immobilier et le besoin de renouveler les équipements spécialisés en raison de l'avancée rapide des nouvelles technologies nécessitaient des investissements pour que la mission des organismes et de la coopérative puisse se poursuivre. Donc, le ministère de la Culture et des Communications donc, prévoit allouer cette somme de 2 834 000 $ dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, alors que la Ville de Québec, elle, l'attribue, donc s'engage financièrement comme ça par son également au par rapport aux immobilisations. Également, la ministre David, hein, elle ne chômait pas la semaine dernière. Elle a annoncé à l'occasion de son allocution au congrès annuel de la Société des musées du Québec, elle annonçait donc une aide importante, un investissement donc de 13 millions de dollars dans le réseau muséal du Québec. Donc, le gouvernement alloue une somme de 12 millions au réseau muséal pour la période de 2012 à 2018, dont 10 millions sont de nouveaux investissements pour le renouvellement des expositions permanentes et la mise en circulation d'expositions itinérantes. Il faut rappeler que les expositions permanentes permettent d'accroître notamment l'accès aux collections, de fidéliser les publics et de stimuler la fréquentation des institutions. Alors que pour les expositions itinérantes, cela favorise le réseautage et le dialogue entre les institutions muséales. Et la mise en circulation permet aux citoyens de l'ensemble des régions du Québec de profiter davantage des collections de nos institutions muséales nationales. Également, un million est alloué en somme supplémentaire pour certaines institutions qui sont soutenues aux finances, au fonctionnement pour l'année en cours. Cette aide au fonctionnement additionnel vise notamment à permettre aux institutions muséales d'accomplir pleinement leur mission et elle vient garantir des services de qualité à la population en permettant aux établissements de renforcer leur offre et de réaliser divers projets touchant notamment l'éducation, la gestion et la mise en valeur des collections, de la recherche et des expositions. Du côté de la Ville de Québec, on apprenait que la Ville s'engageait à offrir une sculpture à la Ville de Drummondville pour célébrer son 200e anniversaire de fondation. Donc, une sculpture signée Jean-Pierre Morin, hein, un artiste bien connu de la Ville de Québec. Et c'est M. Régis Labeaume qui en faisait l'annonce le 1er octobre dernier lors de son passage à Drummondville. Il a présenté la maquette de la sculpture en compagnie de l'artiste Jean-Pierre Morin et celle-ci devrait être installée prochainement en bordure de l'autoroute 20. Donc, d'une hauteur de 18 pieds et faite d'acier et d'aluminium, cette œuvre prendra place dans l'allée des arts, tout juste devant la maison de l'industrie. Spectaculaire et audacieuse, à la fois fine et forte, sa silhouette élancée évoque l'énergie et le dynamisme. L'aspect le plus significatif et innovateur de cette œuvre est notamment de symboliser à la fois l'enracinement et l'esprit entrepreneurial qui est fort à Drummondville. Donc, M. Labeaume, en compagnie du maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, donc annonçait en conférence de presse ce cadeau de la Ville de Québec à la Ville de Drummondville qui entretiennent un rapport d'amitié sincère et bien enraciné entre ces deux villes. Et une brève nouvelle, à vrai dire, on apprenait la semaine dernière aussi que le Conseil des arts et des lettres aurait une présidente directrice générale par intérim, Madame Marie Develioux, qui est déjà actuellement au Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle est secrétaire générale et directrice de la planification et des affaires institutionnelles, donc à ce conseil. Alors, à suivre là-dessus, c'est tout ce qu'on apprenait. Donc, on va aller en pause musicale. À vrai dire, cette semaine, Simon Roy nous a fait une sélection donc d'un artiste, d'un groupe, à vrai dire, The Ghost of 3.13, de l'album Don't Look Back. On va écouter plusieurs extraits, mais cette fois-ci, je n'aurai pas à me fourcher la langue parce que les titres cette semaine sont assez simples. Le premier extrait qu'on va écouter à l'instant s'intitule « One ». Rebienvenue à l'aérospatiale et je suis en compagnie de Andréanne Lesage. Bonsoir Andréanne. Bonsoir Audrey. Alors, tu m'as fait une proposition assez intéressante la semaine dernière. Tu avais envie de nous proposer une chronique à saveur électorale, hein, parce que on le sait, la campagne en ce moment qui s'éternise hein, en quelque sorte, hein, une des plus longues campagnes électorales. Eh bien, malgré le fait qu'elle est très longue, on entend très peu ou pas parler de culture. Alors, on s'est dit, ben, pourquoi pas rectifier le tir? Hein? Je pense que c'était un peu ce que tu voulais venir notamment nous parler ici à l'émission, donc, de culture en campagne électorale et peut-être rappeler aussi aux gens que ce sera une première chronique de deux. Cette fois-ci. Oui, effectivement, puisque ben on va voter dans 2 semaines, donc on en fait une première aujourd'hui pour plutôt situer un peu les enjeux hein, en culture au niveau fédéral, parce que bon, des fois on entend parler de toutes sortes de coupures, d'où ça vient, du municipal, du provincial, du fédéral, il faut démêler un peu tout ça. Et aussi, on peut peut-être, pour certains, se sentir moins concerné par les présentes élections en tant que Québécois. Bon, il y a des idéologies qui font en sorte que peut-être on est moins appelé à aller voter à ce moment-ci. Mais pourtant, faut savoir que 48% du financement de la culture au Québec provient du fédéral. Donc, je pense que c'est, oui, la moitié. Une bonne part, hein, quand même. Oui. Donc, c'est important de prendre position, je crois. Et comme nos auditeurs, bien, la culture pour eux, c'est un enjeu de première importance. Voilà pourquoi, justement, autant en parler, puisque, ben c'est pas nouveau. On en entend tout simplement très rarement parler durant les élections, là, et peu importe le palier gouvernemental aussi. Oui, c'est ça. On dirait vraiment que c'est pas un sujet. On s'intéresse beaucoup, c'est certain, à l'économie, mais en même temps aussi, je pense que la culture est un pan très important aussi au Canada en matière économique notamment. Là. Oui, puis les recherches que j'ai faites sur le sujet m'ont assez surprise honnêtement. 3% du PIB, donc du produit finalement intérieur brut du Canada, vient de la culture et ça monte à 3,5% pour le Québec, la province de Québec. Okay. En termes de dollars, là, c'est pour le Québec, on parle de 56 milliards, pour le Canada, de 56 milliards de dollars par année. Mm-hmm. Donc, c'est colossal, finalement. Mm-hmm. Aussi, peut-être pour donner une idée, parce que, bon, 3% par rapport à d'autres secteurs, qu'est-ce que ça représente, hein? Le transport, par exemple, c'est seulement 4,7% du PIB. Donc, la culture est pas si loin derrière. Et le total du secteur de l'énergie, 6,7%. Donc, finalement, on voit que la culture est quand même une part importante de l'économie, en plus d'être quand même un enjeu important pour les citoyens. Il y a une enquête qui a été menée pour Patrimoine canadien, donc qui est le ministère hein, qui s'occupe du financement culturel au niveau fédéral. Et cette enquête-là a montré que 87% des Canadiens sont pour les investissements gouvernementaux en culture. Donc, on veut pas déresponsabiliser le gouvernement face à ces investissements. Là, c'est très important que finalement le gouvernement participe à ça. Et c'est aussi pour cette raison finalement que chacun des partis qui se présentent actuellement ont sur leur site internet quand même un programme culturel d'investissement. Heureusement. Heureusement, oui. On voit qu'ils n'ont pas vraiment le choix non plus d'en parler. C'est un enjeu trop important, même si c'est peut-être pas justement l'enjeu le plus populaire là, dans les débats et tout ça. Ouais. Peut-être que je pourrais justement faire le tour rapidement là, ben de oui, ce ben que oui. suggère. En même temps, ça va permettre aux auditeurs, et je dois dire moi-même aussi, de connaître quelles sont les à vrai dire les propositions des différents partis. Oui, parce qu'il faut quand même, c'est inscrit là sur leur site internet officiel, mais il faut quand même chercher. Donc, voilà, pour ce qui est des libéraux, en fait, leur premier point, ça serait d'accorder un budget 2 fois plus élevé au Conseil des arts. Okay. Donc ça représenterait... pour eux, 360 millions de dollars par année. Donc, on double pratiquement le budget actuel quand même, du et Conseil puis, des arts. Il y avait eu quand même aussi certaines coupes là, importantes dans les dernières années, notamment dans le budget du Conseil des arts du Canada, notamment. En fait, oui, même si c'est peut-être un des moins touchés directement. Okay. Ah bon? C'est beaucoup de sociétés d'État, Radio-Canada, Téléfilm Canada, qui ont été touchées par ces coupures-là. Et ça à même les coupures, le budget de patrimoine canadien, donc qui est le ministère comme tel. Mais je vous dirais qu'un des moins touchés, c'est le conseil. Mais pour rester sur le sujet, peut-être quand même montrer, il y a une étude qui a été faite par le Conseil des arts qui démontre finalement qu'entre 2005 et 2006... Et la dernière année financière pour laquelle on a des données, qui est 2012 et 2013, le financement par habitant a diminué de 2,5%. Donc finalement, c'est qu'on est dans un manque de financement, une stagnation là, qui reste là parce que la population, on croit, mais pas le financement accordé. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as une idée? Je sais pas si tu as un chiffre, là, je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais par exemple, par habitant au Canada, combien ça représente pour par électeur, mettons, ou habitant, le chiffre culturel, par hasard? Je suis mal, parce que je suis tombée là-dessus, mais je ne l'ai pas noté. Ah, ben, c'est pas grave, mais ce que, par contre, je peux dire au Canada, c'est qu'on est loin derrière, on est... derrière, bon, l'Angleterre, la France. En fait, il y a seulement les États-Unis et la Nouvelle-Zélande qui font pire que nous en termes d'investissement culturel par habitant. Okay. Oui, effectivement. Bon. Donc, on est dans les pires. C'est ce que j'avais vu et retenu, malheureusement. Alors, poursuivons. Qu'est-ce que les libéraux, outre ça, nous proposent? Donc, ils nous proposent aussi soutenir financièrement Téléfilm Canada et l'Office national du film. Donc, on leur donne 25 millions de dollars supplémentaires par année. Ça, c'est justement des organismes qui ont été fortement touchés par les coupures gouvernementales des dernières années. Donc, ensuite, on passe au programme Promare et Route commerciale qui font la promotion de la culture à l'international. C'est des programmes qui ont été abolis et qu'ils veulent rétablir finalement et qui recevrait aussi 25 millions de dollars par année. Et en plus de ça, bon, il y a différentes choses comme aider à préparer la relève dans le secteur patrimonial, etc. Donc, OK, parfait. Pour ce qui est du NPD, donc Nouveau Parti démocratique, eh bien, il assure le financement pluriannuel stable et prévisible pour protéger Radio-Canada en annulant les compressions de 115 millions qui ont été faites récemment. Ils veulent soutenir les cinéastes canadiens et les artistes en investissant 60 millions sur 4 ans dans le budget de Téléfilm Canada, de l'ONF et du Conseil des arts du Canada. Aussi, aider les artistes indépendants en instaurant un système d'étalement des revenus qui leur permettra de mieux prévoir leur contribution fiscale à la hauteur de leurs moyens. OK, intéressant. Voilà. Donc, aussi, faciliter la création de contenus numériques neufs et innovateurs. À la mode, le contenu, la culture numérique. Effectivement. Donc, pour ça, ils prévoient environ 10 millions. Pour ce qui est du Bloc québécois, eh bien, augmentation du budget du Conseil des arts, eux aussi, eux suggèrent à 300 millions. Soutenir la musique québécoise, donc ils veulent aussi qu'une grande part soit octroyée à la musique francophone, à 65% à la radio. Augmenter le budget de Téléfilm Canada à 150 millions de dollars sur 3 ans, et le budget actuel est à 100 millions de dollars alors qu'il était à 125 millions en 2014, donc ça serait quand même une bonne bonification de ce point de vue-là. Pour ce qui est des conservateurs, j'avoue, en toute honnêteté, avoir cherché, et je n'ai pas trouvé de statistiques semblables, c'est-à-dire de programmes là, détaillés bien point par point. Bien définis sur la culture, OK. Alors, aux auditeurs de peut-être creuser ou fouiller à cet effet, si vous êtes chanceux, ou si vous avez des connexions au Parti conservateur. Écrivez-nous. Oui. Oui, voilà. Donc, est-ce que le Parti vert, moi je suis curieuse, le Parti vert, est-ce qu'il y a une proposition en matière de culture? J'ai pas regardé, je me suis vraiment limitée, je vous dirais, aux principaux partis ici. Oui, mais peut-être, effectivement, ça aussi, ça serait à approfondir. Ah, mais quand même, c'était intéressant de voir aussi qu'il y a des recoupements aussi entre les différents partis, notamment ce que je vois pour Téléfilm Canada, l'ONF, le Conseil des arts. Donc, on sent qu'il y a quand même une volonté, Radio-Canada aussi, donc une volonté de réinvestir dans la culture. En tout cas, ça reste des promesses, hein? C'est toujours à voir la journée d'élection. Mais enfin, voilà, je sais pas si tu avais un autre, peut-être d'autres éléments que tu voulais souligner à propos de ça? Je pense que ça fait un peu tour. Un bon tour. Il y en parfait. Aurait beaucoup à dire, mais. Ben c'est bon. Puis peut-être par curiosité et pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu nous prépares pour ce deuxième volet la semaine prochaine de ta chronique? Oui, la semaine prochaine, je m'intéresse à des artistes qui ont finalement une production liée à la politique. On va voir jusqu'où c'est lié. Je veux pas en dire trop pour garder le suspense, mais donc il y a surtout la production d'un artiste qui sera étudié. Et c'est un artiste qui travaille depuis là, de nombreuses années, justement, à intégrer, finalement, la politique. Ça pique ma curiosité. J'ai bien hâte d'entendre parler de ça. Alors, chers auditeurs, restez, soyez des nôtres la semaine prochaine, hein, bien sûr. Alors, je te remercie beaucoup, Andréanne, pour d'avoir fouillé tous ces chiffres, ces statistiques et ces programmes électoraux. Alors, on se dit à la semaine prochaine à ce moment-là. Oui, merci. Super. Nous, on s'en va en pause audio, toujours The Ghost of 313, et cette fois-ci, c'est l'extrait 2. Alors, je suis en compagnie de Héloïse Plamondon-Pagé, adjointe à la programmation chez Folie Culture, ainsi que Christina Mocini, artiste mieux connue sous le nom de Bambi Balboa. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'une soirée bien spéciale, le cabaret Ben Normal, qui est organisé par Folie Culture et qui a lieu ce vendredi soir au Cercle. Et je pense que c'est une soirée un peu déjantée à laquelle on va pouvoir assister cette fois-ci. Héloïse, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots aux auditeurs, parce que Folie Culture, ça reste un organisme peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas, juste nous le présenter un peu, Folie Culture. Alors, Folie Culture est un organisme qui œuvre autant, qui est à cheval sur le domaine de la santé mentale et aussi sur le domaine culturel. Donc, nous, on vise à informer le public, puis aussi à déstigmatiser la santé mentale, à faire de la sensibilisation par le biais de l'art, puis en présentant des pratiques artistiques qui posent une réflexion sur la santé mentale ou de près ou de loin. Donc, c'est ce qui fait notre particularité. Puis, dans le fond, au niveau du cabaret Ben Normal, l'événement s'inscrit dans notre programmation et la thématique de la programmation, c'est la normalité ostentatoire. Mmh. Donc, exact, on s'est intéressé à se questionner sur les notions de normalité et d'anormalité dans notre société actuelle. Dans le fond, est-ce qu'on doit encore s'intéresser à ça? Est-ce qu'il y a encore des distinctions ou plutôt ça n'existe plus, la normalité ou l'anormalité? C'est un peu là-dessus qu'on joue. Parce qu'on sait que normalement, la normalité, c'est une convention. Mais aujourd'hui, autant dans les groupes marginaux, il s'installe une sorte de norme. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est plus normal. D'où le nom du cabaret Ben Normal. On s'est demandé Qu'est-ce qui était un cabaret qui soit bien normal, puis comment détourner un peu cette forme-là, ou l'amplifier, ou bon, on peut utiliser plein de sortes de stratégies, puis on a invité différents artistes. Oui, c'est ça, vous en avez plusieurs là qui participent à la soirée, donc Christina ici, et puis Christina, toi tu es également directrice de la troupe Burlestaculaire. Est-ce que tu peux nous en glisser un petit mot, hein? Ben oui, Burlestaculaire, c'est une troupe néo-burlesque indépendante que j'ai créée avec des amis, des collègues, des partenaires, et on fait des spectacles à Québec. Nous, on dit souvent qu'on est multidisciplinaire, donc on va revisiter le burlesque d'une façon qui est unique à nous, je pense. On va tout le temps fouiller un petit peu du côté soit du théâtre, des projections vidéo, de la comédie musicale ou de la danse. Ou de la comédie, mais vraiment avec un clin d'œil qui est unique. Et je pense, en fait, que c'est pour ça. En fait, j'étais bien contente d'avoir l'appel de Folie Culture là, pour faire un numéro sur mesure pour la soirée du cabaret ben normal, parce que, bon, la performance que je vais y faire vendredi, c'est vraiment, après une rencontre avec Héloïse, puis les gens de l'équipe de Folie Culture, on s'est dit... Qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est quoi un effeuillage normal? Donc, j'ai regardé dans ce que moi, j'avais fait dans le passé. Puis, il y avait des choses qui pourraient peut-être... Je m'étais dit, oui, c'est dans cette lignée-là, mais je me suis dit que pour un événement aussi particulier que ça, il fallait vraiment construire quelque chose autour de ça, de la normalité. Donc, ça va être vraiment une exclusivité. Comment détourner l'effeuillage? Puis, tu sais, le concept d'effeuillage qu'on croit normal, c'est toujours dans cette idée-là. Puis il y a aussi, bon, il va avoir Christina, évidemment, en Bambi Balboa. Il va avoir aussi Jean-Philippe Lockers-Cartier, qui est un artiste en art visuel de Montréal, qui va présenter une performance. En fait, lui, il va s'intéresser au quotidien du quartier Saint-Roch, puis il va mettre en valeur la normalité du quartier Saint-Roch. Donc, ça risque d'être intéressant. Ensuite, on a Machine de cirque, qui vont nous présenter un super numéro circassien. Aussi, Simon Paradis-Dionne, qui est musicien, qui va nous présenter un genre de karaoké délirant où tu peux pas faire d'erreur. Et en tout cas, on a bien hâte de voir, ça va être une formule, un karaoké réinventé, certainement. Et aussi, on va avoir le collectif On est-tu heureux, hein? Que c'est un collectif de performance. Puis, ils vont s'intéresser à la formule du PowerPoint. OK, excellent. Alors, et puis je pense aussi que vous avez confié l'animation, j'ai vu, à Maxime Robin. Ben oui, Maxime. Figure bien connue du milieu théâtral. Qui est extraordinaire, puis qui est tellement coloré et tout. Puis il va être accompagné aussi de Fred Le Brasseur comme musicien, est tout aussi talentueux. Et. Oui, une autre figure emblématique de la ville de Québec. Il nous reste que quelques secondes. Est-ce que tu peux juste nous dire comment on peut se procurer? Certainement. Il y a des billets, je pense. Oui, donc le lieu. Exact, c'est ça. Donc, la soirée du cabaret ben normal qui va avoir lieu au Cercle ce vendredi, le 9 octobre, à 20h. Le coût d'entrée est de 12$. Vous pouvez acheter vos billets à la porte ou sinon, vous pouvez acheter vos billets en ligne au www.folieculture.org ou pour ceux qui connaissent notre adresse, vous pouvez la trouver sur Internet aussi, mais vous pouvez venir à nos bureaux les acheter. Donc, voilà, pour 12$, un super spectacle. Eh bien, c'est super. Et puis, Christina, on mettra aussi sur notre page ou notre Facebook des liens vers les vidéos. Là, j'ai vu qu'il y avait des vidéos de la troupe là, sur YouTube. Donc, on va mettre ça aussi. J'invite davantage les gens à venir parce que ce qui va se passer vendredi, ça va arriver juste une fois. Bon, donc, c'est vraiment ne pas manquer. Eh bien, l'appel est entendu. Merci beaucoup, mesdames. C'est moi qui te remercie. Merci. Fait plaisir. Alors, nous, on s'en va en courte pause et on vous revient pour la deuxième demi-heure de l'émission. Du 8 au 18 octobre, Québec reçoit Michel Faubert, Stéphane Crête et la bande de René Lucier dans le cadre de la soirée d'ouverture. Murmures et torrents de la Grande Tortue avec Louis-Carl Picard-Sioui et ses invités. De grands entretiens avec Robert Lepage, Margaret Atwood, Russell Banks, Jean-François Lépine et plusieurs autres. L'opéra Pauline en version concert exclusive. Et de nombreux autres rencontres, événements et spectacles littéraires. Du 8 au 18 octobre, c'est Québec en toutes lettres. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Pour vous aider à faire votre choix aux élections fédérales 2015, l'équipe de CKRL 89.1 s'associe à monlimoilou.com et Équiterre afin de vous convier à un débat présenté le mardi 6 octobre, 19h à 21h, au centre Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Vous aurez l'occasion d'y entendre 5 des candidats de Beauport-les-Moilous. Denis Berbéry, du Bloc, Antoine Bugeaud, du Parti libéral, Aloupa Clark, du Parti conservateur, Raymond Côté, du NPD et Dalila Elak, du Parti vert. Vous ne pouvez pas être sur place? Le débat sera diffusé en différé sur CKRL 89.1 le vendredi 9 octobre dès 10h. Bouquinerie Nouvelle Chance est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif. Notre mission est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Chez nous, vous trouverez des livres, des vinyles, des DVD et des CD. Bouquinerie Nouvelle Chance peut aussi recevoir vos dons, livres ou disques. Nous offrons même un service de cueillette. Nous sommes situés au 1595 Canardière dans Saint-Pascal. Vous pouvez nous joindre au 418-948-3287 ou encore en consultant notre page Facebook. Bienvenue à l'aérospatiale. On est dans notre deuxième demi-heure de l'émission et j'avais envie qu'on se, encore une fois, qu'on se gâte en cette émission-là pour parler de quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire, de parler de résidence d'artistes, donc des artistes de Québec qui sont allés à l'extérieur pour vivre une expérience de résidence, création, d'exposition aussi. Et à vrai dire, j'ai avec moi Cynthia Dinan-Mitchell et Camille Bernard-Gravel. Bonsoir, mesdames. Bonjour. Alors, vous avez vécu une expérience quand même assez intensive. Vous êtes allée à Bangkok parce qu'il y a un échange, il faut le dire. Hein, c'est dans le cadre de l'échange Québec-Bangkok qui a été initié par le lieu, hein, ici, centre bien connu sur la rue du Pont, avec le Bangkok Art and Culture Center en Thaïlande. Et dans le fond, vous étiez invité à aller là-bas, donc faire une résidence de 2 semaines, je pense, c'est bien ça? Oui, finalement, c'est un défi hein, quand même. Oui, un gros défi, parce que préparer une expo en 2 semaines, et même moins que ça, parce qu'il fallait un moment d'installation, c'est pas facile. Oui, surtout arriver dans un nouveau pays, dans une grosse ville, apprendre à aller chercher où trouver les matériaux, avoir une idée précise et la réaliser. Finalement, on avait à peu près une semaine à réaliser notre projet. Oui, c'était très court. En plus, on arrive, on veut bien explorer un peu le lieu parce qu'en plus, notre œuvre, souvent, avait un peu rapport au lieu où on était. Donc, on voulait explorer un peu Bangkok tout en ayant le temps de créer notre œuvre puis réfléchir à notre projet. OK. C'était vraiment intensif. C'était des journées complètes. Stimulante, mais épuisante en même temps, là. Oui, sûrement. C'est rare qu'on vit ça dans un quotidien ici. Sinon, on serait pas capable de survivre, là. C'était intensif, au maximum 1000. Oh oui, intense fois 1000. Oui. Et puis, peut-être aussi souligner aux auditeurs, c'est un échange, donc on a dit initié par le lieu et le BAC, mais vous avez été invité ou sélectionné par des organismes. Peut-être, Camille, toi, tu étais invité par quel organisme à Québec? Par la Chambre Blanche. J'ai été sélectionnée au départ par la Chambre Blanche, puis ensuite... il y avait 4 artistes sélectionnés par la Chambre Blanche. Ensuite, à Bangkok, ils choisissaient 2 artistes sur les 4. OK, parfait. Et toi, Cynthia, c'est quel centre? C'est l'œil de poisson. Et je suis allée avec Georgia Volpe. OK, excellent. Et puis aussi, je pense qu'il y avait le centre Vue et Avatar qui participaient également à cet échange en plus du lieu, bien sûr. OK. Ouais. Et puis, moi, je suis un peu curieuse de connaître le contexte. Vous avez parlé du facteur temps, hein, qui était probablement un des plus gros défis, mais peut-être du contexte de cette résidence-là. Vous êtes arrivée là-bas. Qu'est-ce que vous avez, peut-être chacune l'une après l'autre, nous parler un peu comment ça s'est passé pour vous, cette expérience-là de résidence. Peut-être Camille. Hein? Oui, moi j'avais une idée en tête au départ qui était un peu précise, là, pas très précise, mais quand même une bonne idée que je m'étais faite. Mais finalement, j'ai dû changer mon plan parce que quand je suis arrivée à la salle d'exposition, c'était pas comme je pensais, mais je me doutais que ça allait arriver, sauf que ça a été un gros revirement de situation. Puis j'ai été contente d'avoir eu le temps d'explorer un peu la ville pour acheter du matériel parce que finalement, mon œuvre finit par être plus un peu comme un portrait d'une rue de Bangkok avec plein d'objets qui étaient plus traditionnels, d'autres plus usuels qu'on trouvait au bord du chemin. Puis j'ai mélangé tout ça ensemble pour donner une espèce de côté festif aussi à mon œuvre parce que je trouvais que la ville avait un de ses côtés festifs colorés. Puis c'est ça, le temps était court, mais on avait beaucoup de chance parce qu'on avait des assistants qui étaient là pour nous aider à trouver nos matériaux. Puis on était vraiment bien accueillis et bien épaulés dans tout ça. Ah ben c'est super, parce que je pense que c'est pas toujours le cas non, des fois. Non, c'est ça. Super. Et toi, Cynthia, de ton côté, comment ça s'est passé au juste? Super bien. J'étais déjà allée dans le sud-est de l'Asie il y a 12 ans. Et je savais un peu à quoi m'attendre, particulièrement pour le travail de textile. Donc, mon projet était en collaboration avec des artisans couturiers là-bas. Parce que il y a 12 ans, j'avais eu le plaisir de me faire faire des vêtements sur mesure en un temps record. Ça prenait 2 jours faire faire des robes, des pantalons, des manteaux, n'importe quoi. Donc là, je voulais retravailler avec des couturiers, mais de façon un petit peu plus artistique. Okay. Mais le contexte est un petit peu plus différent cette fois-ci. Le BAC ont décidé de m'offrir l'aide d'une couturière personnelle. Mmh. Et donc là, on a pu faire des vêtements ensemble pendant la première semaine. Mais faire plusieurs vêtements pour créer une exposition, c'est pas toujours, c'est pas vraiment évident. Donc, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et j'ai exploré plus le personnage, je pense, dans une installation. Les vêtements en faisaient partie, mais c'était plus utiliser des mannequins en bout de ligne là, pour créer une genre d'installation un peu dynamique, mais à la fois pas tant que ça, parce que les mannequins ils étaient vraiment statiques. C'est ça. Les bras bougeaient pas. Puis, finalement, j'ai changé leur tête, des trucs de même, là, mais... C'était bien, c'était vraiment bien. C'est rare qu'on puisse s'offrir ce temps-là d'exploration en dehors de notre contexte habituel. Parce que je trouve que souvent à Québec, à Montréal, on se surveille, on essaie de toujours assurer une qualité, que là, c'est à l'autre bout du monde. Mais t'as dit, même si c'est pas bon, c'est pas plus grave que ça. C'est ça. On peut se permettre d'explorer davantage, puis de peut-être expérimenter quelque chose qu'on a en tête, mais qui est pas trop sûr, ou... Donc c'était beaucoup de risques. Je pense que pour la plupart des artistes, ça a été ça. Mm-hmm. Surtout à cause du temps. Une semaine, là, il faut y aller, puis on n'a pas le temps d'hésiter. Mm-hmm. Et après ça, c'est l'installation intensive. Ouais, il y avait le dépaysement aussi qui nous mettait en danger, peut-être. Oui. Oui, puis je veux dire aussi, vous étiez pas seule, vous étiez accompagnée avec d'autres artistes aussi. Combien étiez-vous en tout pendant cette résidence-là? On était 8 artistes à participer. Ouais. OK, parfait. Et puis, est-ce que ça l'a été quand même sensiblement bien pour les autres artistes qui vous accompagnaient? Oui, ça a bien été pour tout le monde. Puis l'exposition, à la fin, on était contents du résultat. Je pense que tout le monde était content. Ça a donné un ensemble assez cohérent, quand même, malgré que les propositions étaient très différentes. Mm-hmm. Puis du fait que les propositions étaient différentes, je pense que ça enrichissait vraiment le travail des autres. Puis on a eu des beaux échanges. Oui, ça a été vraiment un plaisir de se rencontrer. On ne se connaissait pas tous. Et aussi, c'était bien de voir le pouvoir de la culture. Parce qu'on arrivait là-bas avec nos idées de l'art. Puis là, on partageait avec les assistants sur place, avec le centre. C'était vraiment intéressant de voir la portance de la culture. Comment on est interreliés. Et aussi, on a des différences, mais comment on peut se rejoindre à travers l'art. OK. Oui. Assez intéressant. Eh bien, je mets une petite pause à notre conversation. On va aller écouter un bref extrait audio pour se donner le temps de souffler et on revient pour continuer notre discussion qui est, ma foi, assez intéressante. Donc, on s'en va écouter toujours The Ghost of 313 et cette fois-ci, c'est 3. Alors, re-bienvenue à l'aérospatiale. On est toujours en compagnie de Camille Bernard-Gravel et de Cynthia Dinard-Mitchell. On parlait avant la pause musicale, bien sûr, de cette résidence, création, exposition au Bangkok Art and Culture Center, donc un échange entre la ville de Québec et Bangkok. Alors, voilà, donc les filles, je serais curieuse de savoir, je sais, Cynthia, que toi, tu as eu l'opportunité de sortir un peu du centre-ville pour aller explorer un peu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu as été trouvé, cherché oui, à l'extérieur? Oui, oui. Le centre BAC m'avait trouvé une couturière qui pouvait m'aider, mais elle venait pas de Bangkok. Elle était venue d'un autre village, une ville qui s'appelle Ubon Ratchathani. Et on voulait commencer à travailler sur place à Bangkok, mais elle a vu que mon projet était assez d'envergure, donc on pouvait pas travailler sur une petite machine à coudre portative. Okay. Donc, elle a dit, « Ah, ben viens chez moi. » Ah, ben pas pire. Oui, il faut juste prendre l'avion puis se rendre un petit peu plus loin. Ça, c'était pas très loin, là, c'était à peu près 1 heure en avion. Ou 8 heures en autobus. On a pris l'avion. Ouais, le choix est pas trop difficile. Ouais, et on est allé travailler dans son atelier de couture avec sa sœur et une apprentie. C'est de la façon qu'ils travaillent pour devenir couturière là-bas. Et c'était vraiment un plaisir parce que c'était pas une ville touristique du tout. Il y avait pas, j'allais dire des Blancs, des Occidentaux. Mm-hmm. Et on a travaillé dans un genre de centre communautaire, atelier, magasin. Sur place, et Georgia Volpe est venue avec moi aussi. OK. Ouais, et on a fait tous nos vêtements sur place là. Et c'était, elle nous a invité aussi à aller visiter des fermes de soie thaï, ce qui était vraiment intéressant. Mm-hmm. Même anecdote, on a vu une femme tisser des genres de gros foulards en soie, et ça prend une journée pour faire 1 mètre. Alors, comprend que c'est pourquoi on comprend le prix maintenant. C'est ça, oui. Pourquoi c'est dispendieux comme ça, ouais. Oui. Et même de la soie avec motif, ça prend 2 jours pour faire 1 mètre. Donc, c'était le fun de voir. C'est tellement fait à l'autre bout du monde. Nous autres, on n'a pas conscience de ça. Mm-hmm. Et de le voir en vrai, puis la machine, puis tout ça. C'était le fun. C'était vraiment un beau plaisir d'aller là. Et une autre anecdote, tant qu'à être, il y a rarement des artistes qui vont là. Mm-hmm. Et on était vraiment visible, on était vraiment dans le centre de la ville. Puis les gens venaient pas voir l'artiste, mais plutôt ils venaient voir la rousse, parce qu'ils n'avaient jamais vu de rousse. Donc c'est bon. Assez drôle, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben c'est sûr que vous deviez détonner un petit peu aussi dans le paysage. Tu disais que vous étiez les seuls occidentaux, puis leur rousse en plus, ben là, ça en remet. Oui, je pense que Georgia a eu la chance de donner une conférence en plus dans une école là-bas, puis les jeunes de l'école ont eu contribué à son travail, donc ça aussi, ça avait été une belle expérience pour elle. Oh, wow! C'est magnifique. Et toi, Camille, je pense que tu es restée plus au centre-ville, c'est ça? Oui, pas mal au centre-ville. Puis j'ai eu beaucoup à travailler dans la salle d'exposition quand on a commencé le montage. Là. Donc, j'ai passé beaucoup de temps entre ces murs. Puis j'ai passé beaucoup de temps aussi, par contre, à magasiner dans les rues les objets dont j'avais besoin pour faire mon installation. Mm-hmm. Puis j'ai visité les jardins, pas les jardins, mais les marchés de fleurs. Il y avait aussi un plus grand marché, plus pour la nourriture. Puis c'était plus dans la vieille ville, donc j'ai eu le temps de un peu apprécier tout ce qu'il y avait là-bas, de voir les canals, les petits clongs à travers lesquels on peut se promener en bateau pour se déplacer. Puis c'est ça, j'ai quand même profité de l'environnement de la ville. Oui, et puis le centre dans lequel vous exposez le BAC, son niveau dans son acronyme, ouais. c'est une grosse affaire là. Oui, c'est plusieurs étages. Je pense que tout le monde a été surpris quand on est arrivé de voir à quel point c'était immense. Puis c'est inspiré, l'architecture est inspirée un peu du Guggenheim, mais je dirais que c'est plus gros que le Guggenheim. Puis en haut, il y a des salles d'exposition vraiment type muséal. Nous, on était dans une plus petite salle, mais c'était quand même pas une si petite salle, là. C'était assez grand. Puis c'était vraiment magnifique, là. Il y avait plein de petits commerces aussi artistiques qui vendaient du matériel d'art ou des trucs comme ça dans l'espace du BAC. Mmh, OK, OK. Et c'était vraiment au centre-ville. Oui. C'est la station National Stadium. Puis juste à côté, il y a le gros centre Siam, qui est le plus gros centre d'achat de l'Asie, je crois. Oh. Donc, Oui, effectivement. Et puis, ben, comme plusieurs des auditeurs n'auront probablement pas l'occasion d'aller voir l'exposition, donc qui se termine, elle, le 25 octobre, est-ce que vous êtes capable de nous dire à quoi ça ressemblait rapidement, là, l'exposition dans son ensemble par rapport aussi avec les autres artistes qui ont participé? Si on commence, je vais essayer de me rappeler. À partir de l'entrée, il y avait Renaud qui avait son travail photographique. Renaud Philippe qui a fait photographier son thème principal. C'était centré plus sur les inondations qu'il y a à Bangkok, puis le fait que la ville s'enfonce toujours de plus en plus sous l'eau, on peut dire. Ensuite, il y avait le travail photographique de Marc-André. Marc-André Jésus, de son nom d'artiste, oui. Qui, lui, a travaillé à photographier la communauté transsexuelle, les ladyboys. Donc, il a approché beaucoup de jeunes hommes, femmes, disons. Oui, oui. Et puis, on peut, pour ceux qui sont intéressés, je sais que sur sa page Facebook, il a mis beaucoup de documentation visuelle aussi de son shooting et tout. Là, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça, donc... Voilà. Ouais, c'est ça. Puis après, il y avait Catherine Bélanger qui a fait un travail vidéographique plus sur les gestes culinaires. Donc, elle a eu la chance, elle, d'aller dans des maisons de gens qui connaissaient pour se faire cuisiner des plats. Puis, elle les a filmés, puis elle a fait un travail vidéographique image par image à partir de ça. Après, c'était Cynthia. Oui, une installation de vêtements et de mannequins. J'ai travaillé avec comme des costumes un peu typiques de chaque pays. Donc, les costumes traditionnels thaï, mais je les ai refaits en tissu canadien, donc du lainage puis du carotté. Wow! Et après ça, des vêtements canadiens, comme le manteau la canadienne, mais en soie thaï. Donc, c'est vraiment le jeu, là, l'aller-retour entre les deux. Après, il y avait l'installation de Patrick Altman, l'envers de la carte postale, je crois que ça s'appelle. Puis c'est vraiment plein de petites photos d'à peu près 3 cm ou 5 cm chaque qu'il a inséré dans une grande surface, un mur au complet, pour en faire presque un effet papillon, parce que avec l'ombrage de l'éclairage, ça faisait... le centre était la photo, et après ça, de chaque côté, il y avait des petits ombrages qui faisaient comme les ailes d'un papillon. C'était vraiment très beau. Oui, j'ai vu des gens qui ouvraient, dans le fond, cette espèce de petite carte, là qui regardait. Mais c'était pas une carte, peut-être que ça donnait cette impression-là, mais c'était vraiment des photos de paysages, puis ils faisaient un dégradé un peu du blanc jusqu'au noir, là, avec l'exposition de la photo qui était de moins en moins exposée. Pour ça, il y avait Marie-Claude Gendron qui a fait des performances au centre-ville, un petit peu plus en banlieue, puis après ça, plus en campagne. Puis elle les a filmées puis présentées en forme de vidéo. C'était vraiment très beau ce qu'elle a fait. Des positions statiques, mais sur une période de 30 minutes. Donc, ses mouvements, finalement, sa position, finalement, bougeait un petit peu avec le temps à cause de la fatigue. Oui, c'était des mouvements symboliques. Pas des mouvements, mais des positions, symboliques. Super. Et puis, Georgia, je pense qu'il était à l'extérieur, finalement. Oui. C'est ça. Étant donné qu'on manquait un peu de place dans la grande galerie, dans la grande salle d'exposition, elle s'est faufilée dans le hall principal, puis elle a bien fait, parce que son œuvre était vraiment grosse. Oui. Donc, à travers les étages, elle a installé des revues qui avaient été déchirées une à une pour créer un genre de motif. Puis ça partait du cinquième qui allait jusqu'au troisième étage. Donc, c'était assez gros. C'était impressionnant. Puis après ça, elle a fait une autre installation au cinquième étage qui partait de l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'extérieur. Il y avait comme un grand balcon. Puis c'est vraiment intéressant, mais toujours avec des matériaux recyclés. Fidèle à sa pratique. Finalement, à ce que je me rends compte, c'est que chacun s'est inspiré de la culture là-bas pour créer une œuvre qui était faite par un Québécois, mais inspirée de la culture thaï là-bas. Vraiment. Je ne pense pas que c'était notre but avant de partir. Je pense pas que c'était vraiment prédéterminé, mais on s'est vraiment laissé influencer par le contexte Ben c'est jovial, c'est beau, c'est animé. C'est dur de pas se laisser influencer. Ouais. Ah ben vraiment, est-ce que à vous entendre parler, c'était une expérience particulièrement enrichissante, je pense, et épuisante. Épuisante, oui. Mais enrichissante et stimulante pour la création, vraiment. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu le partager avec nous à l'émission. Je suis certaine que ça va donner un meilleur aperçu aussi aux auditeurs de ce que c'est une résidence d'artiste aussi à l'étranger, malgré que ça a été assez rapide. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, les filles, et au plaisir de peut-être vous recroiser un peu plus tard dans la saison. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Alors, nous, on fait une brève pause audio et c'est le dernier extrait de Ghost of 313. Et cette fois-ci, c'est 4, donc de l'album Don't Look Back. Et oui, l'émission tire déjà à sa fin et juste quelques minutes pour rappeler les expositions et événements de la semaine. Ce jeudi, en collaboration avec Art Nomade, L'œil de poisson et Regard présente une soirée de performance à 19h chez Regard à Lévis. Donc, performance de Simla Sivilek et Ressoussa Del Bardo. Également, vendredi, il y a un autre volet d'Art Nomade, mais cette fois-ci au lieu, donc sur la rue du Pont à 19h, toujours des performances d'Anna Higueras et de Jeff Huckleberry. Donc, et également ce vendredi, il y aura un 5 à 7 triple lancement aussi au lieu, donc des publications de la RIAP 2014 avec son DVD, publication de Juan Swiedzinski et également le lancement de numéro 121 de la revue Inter, donc ça s'intéresse à la pauvreté, dépouillement et dénuement. Également, le vendredi, on a le cabaret Ben Normal de Folliculture à 20h au Cercle. Et c'est aussi la dernière semaine pour voir les expositions La Pyramide de Samuel Roybois à l'œil de poisson, Petit vestige annoncé d'Eve Cadieu et Souffle d'air et Tremblement d'étoiles de Renaud Salvaille chez Vue. Et également, dernière semaine pour voir Marcel Barbeau à la galerie Michel Guimont. Simplement vous rappeler que toutes les informations de l'émission et plus, ainsi que la balado-diffusion de l'émission sont disponibles sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Je remercie mes invités, Héloïse Plamondon-Pagé, Christina Mocini, Camille Bernard-Gravel et Cynthia Dinard-Michel, mes collaborateurs Simon Roy et Andréane Lesage, fidèle au poste Jacques Gignac à la mise en onde et merci tout spécial à ma comparse de l'émission Gentiane La France. Je vous laisse entre les mains de Pierre Blais et de son émission Situation critique. Merci d'avoir été avec nous et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.